danse pour toi, toute nue. Une énorme samba, samba. Sans rime ni raison, samba. Sans chemise ni pantalon, sais-tu. Quand je danse pour toi, toute nue. Rien ne compte pour moi, samba. Que tes rythmes aient perdu, samba. Que je croyais perdu, mais le soleil tout là-haut a mis son grand chapeau. Se trouve à deux pas, préfère elle aussi la samba, samba qui rêve et qui divague, samba dans le creux de ses vagues. La terre n'a pas trouvé de quoi te plaire sans t'offrir des sambas, samba qui nature envoûtée, samba. Que je n'ai rencontré loin, aussi loin que je fus, moi je t'ai entendu. Danse toute nue, mon corps. Moi je n'en réponds plus. La mort, qui sait, m'arrêtera. Samba, mais sûrement pas toi. Mais sûrement.